célébré et vécu la vie terrestre, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Après avoir célébré le temps de Pâques et de la grande fête de la Pentecôte, alors enfin, on est arrivé au sommet. Aujourd'hui, on récolte spirituellement ce que le Seigneur a semé, la fête de tous les saints. Car le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, est devenu homme. Il a vécu parmi nous pour nous guérir, pour nous donner ce don de l'Esprit Saint qui est la sainteté. Et c'est pourquoi dans notre Église orthodoxe, nous célébrons cette fête de tous les saints le premier dimanche après la Pentecôte. Car en vérité, la sainteté à laquelle nous tous nous participons, c'est la présence de Dieu par l'Esprit Saint dans nos propres cœurs. Et cette présence est une force, est une chaleur, est une vie nouvelle d'une telle façon qu'il faut être baptisé dans l'eau et d'esprit pour participer à cette vie, pour accueillir cet esprit dans l'intimité de notre cœur. Il s'agit donc de la fête de la rédemption. Nous commémorons aujourd'hui tous les saints de tous les temps, y compris nous tous, car encore une fois, nous avons tous cette même vocation d'être parfaits et de devenir des vrais saints, des témoins de la résurrection du Christ sur terre. Et un témoin du Christ, selon l'Évangile, ce n'est pas quelqu'un qui peut répéter exactement ce qu'il a vécu ou ce qu'il a vu, mais qui a vraiment rencontré le Christ ressuscité à une telle façon qu'on parle d'une nouvelle vie, d'une autre vie, de la mort d'Adam et la résurrection du nouvel Adam dans son propre cœur. Et dans ce sens, nous sommes tous des témoins de la réalité et de la foi et de la résurrection de notre Seigneur. Alors, cette présence de Dieu, cette force de Dieu, cette présence de l'Esprit Saint nous apprend à aimer Dieu. Parce que la question se pose, comment est-ce que moi, ici à Paris, en France, dans notre société d'aujourd'hui, comment est-ce que je peux sentir, comment est-ce que je peux vivre cette présence du Saint-Esprit dans mon cœur? Alors le Seigneur nous a dit, il faut aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alors ça c'est la première chose à remplir. Nous devons aimer Dieu. Et nous devons aussi aimer notre prochain, car le Seigneur a dit que ces deux commandements, ils ont les mêmes valeurs, mais il y a une différence. Aimer Dieu, c'est le premier commandement. Donc nous devons vraiment aimer de tout notre cœur le Seigneur Dieu. Est-ce que c'est facile? Ce que je peux dire, c'est une expérience personnelle, spirituelle. Un jour, il y avait un jeune enfant, son âge, qui m'a posé cette question très directe après un sermon. Il a dit, Vladika, est-ce que tu aimes Jésus? J'étais un peu choqué, qu'est-ce qu'on va répondre à un enfant qui pose une telle question? Et j'ai dit, oui, oui, oui, bien sûr. Et après j'ai réfléchi, qu'est-ce que tu as répondu à cet enfant? Et oui, j'aime le Seigneur. Quand je suis entouré des frères et des sœurs et des concélébrants, comme aujourd'hui, dans ce sanctuaire, devant l'autel, croyez-moi, je peux dire de tout mon cœur, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Il est présent, je le sens, dans l'intimité de mon âme, qu'il est avec nous. C'est facile de dire, à ce moment-là, oui, j'aime beaucoup Jésus, j'aime le Seigneur et son Église. Mais quand je regarde la télévision, et quand l'actualité, quand je lis des journaux, et j'apprends toute cette misère dans ce monde, des catastrophes, des guerres civiles, des difficultés, même à l'intérieur de l'Église, alors, à ce moment-là, ça deviendrait plus difficile d'aimer le Seigneur. Et je voudrais lui dire, mais Seigneur, enfin, qu'est-ce que tu as fait avec ta création? Où es-tu? Où est-il quand on souffre? Où est-il quand on est malade? Quand on a des difficultés dans sa vie personnelle ou communautaire? Il est toujours là où on souffre. Il est toujours avec ceux qui sont des victimes. Parce qu'il est un Dieu, notre Seigneur Dieu, c'est un Dieu qui aime sa création et qui nous connaît, chacun de nous, est comme un frère pour lui, est comme un fils ou une fille pour lui. Il est présent dans notre cœur chaque jour, mais apparemment par les soucis de ce monde, occupés par nos affaires, la vie quotidienne, nous ne remarquons pas toujours sa présence. Et c'est vrai aussi pour la vie d'un prêtre, et même, mais je dois parler de moi-même, c'est vrai aussi pour moi, dans ma vie personnelle. Comme j'ai dit, chaque liturgie, c'est une joie d'être sûr qu'il est là, et que je peux le toucher, et même manger, et boire, vivre l'unité mystique avec lui. Il y a aussi des moments dans ma vie et dans la vie de chaque chrétien qu'il y a l'obscurité, il y a les ténèbres et on crie « Seigneur, Seigneur, où es-tu ? » Toi qui étais la joie de ma jeunesse, quand j'ai trouvé l'orthodoxie, quand j'étais si enthousiaste et capable de quitter la maison de mes parents et mon patrie pour être orthodoxe, pour vivre l'orthodoxie, pour connaître l'orthodoxie, c'est-à-dire pour vivre avec toi Seigneur, pour te connaître et pour être ton ami, ton frère, tu étais si fort présent, où es-tu maintenant? Mais vous savez, je sais la réponse. J'en suis sûr qu'il va me répondre un jour. Mais j'étais là, à côté de toi. Dans l'intimité de ton cœur, j'étais là. Mais toi, tu es si occupé par vos affaires que vous ne l'avez pas remarqué que j'étais avec vous. La sainteté, la présence de Dieu dans nos cœurs. Mes frères et sœurs, ça c'est la joie de notre foi. Ça, c'est la joie de l'orthodoxie. Et j'espère de tout mon cœur que cette joie restera la nôtre jusqu'à la fin de notre vie terrestre, au moment que le Seigneur lui-même va se présenter devant nous en disant « Entrez maintenant dans le royaume que je t'ai préparé pour l'éternité. » Et en ce jour-là, nous serons tous ensemble dans la communion de Dieu, avec tous nos ancêtres, avec tous ceux qui ont confessé la vérité de la foi chrétienne et dont Dieu seul connaît les noms. Et ça sera un jour formidable, ce jour quand on entre tous dans le royaume, dans la communion des saints, dont chaque liturgie et chaque église est vraiment une icône, une obras, une présence réelle sur terre. Nous devons apprendre à aimer le Seigneur. Et en aimant Dieu, nous pouvons aussi aimer nos prochains. Ce n'est pas l'inverse, c'est une erreur quand on dit cela. Il faut commencer par l'amour pour la vérité qui est Dieu. Et c'est Dieu, il est devenu homme pour notre salut et nous a donné son esprit, sa vie, son amour, son enthousiasme pour nous tous. Que ça soit notre joie aujourd'hui et maintenant jusqu'à la fin de notre vie. Amen.